C'est le UFC 247 demain. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, demain, ça va mettre aux prises, évidemment, le John Jones, qui est probablement l'un des meilleurs combattants livre pour livre du UFC. Il va affronter, et s'il gagne demain, il va affronter Reyes. S'il gagne demain, César, s'il gagne demain, c'est-à-dire il y aura possibilité probablement de battre un record de Georges St-Pierre. Ouais, écoute, John Jones, il n'y a plus grand-chose à dire sur lui. On pense que c'est pas mal le meilleur à date là, qu'on a vu. Il va dépasser Georges, c'est ça, je pense, pour le nombre, ou égaler pour le nombre de défenses de son titre. En plus, il a tout le temps défendu de façon très dominante. John Jones a gagné beaucoup de matchs par KO, TKO ou soumission. Il est complet. Écoute, il est jeune encore, il a 32 ans. Ouais. Il est encore pour un bout. Puis son adversaire, écoute, Dominic Reyes, est très bon aussi. Le gars, il t'apprend au cerveau. Chose, pas de côté, dit que Reyes a une chance légitime de gagner. Oui, écoute, il est 12-0. Il est jeune, il a faim. Il n'est pas intimidé. Il a battu du beau monde en tabarouette. Écoute, il a battu Chris Weidman dernièrement. Il a battu Damien. Il a battu Saint-Preux. Il a tout battu des gars legit de façon très dominante. Oui, il est vraiment. Écoute, c'est un bon adversaire. Là, puis il mérite son title shot, c'est sûr et certain. OK, donc, il faut y aller avec Jones pareil pour cette victoire-là? Oui, on peut pas aller contre. Ouais. On peut pas aller contre John Jones vraiment. Mais ça va être intéressant parce que c'est sûr que Dominic Reyes, il a une bonne boxe. Ouais. Il dit qu'il y a une meilleure boxe que Jones, puis il va peut-être essayer d'exploiter ça. Ça va être à voir parce que Jones, il mélange tout le temps. Hein. Il est improvisé. Ouais. Il arrive tout le temps avec des effets bizarres un peu. Fait que on va voir. Puis il y a l'air sérieux à l'entraînement, pas mal, John Jones, comme il n'y a jamais été. C'est sa troisième fois qu'il se bat cette année. Là. C'est vrai, on est en 2020. Il veut être très actif. Il est très actif. Ça va être bon. OK. Donc, il faut y aller. La demi-finale, ça va poser un combat de femmes. Valentina Shevchenko contre Kathleen Shugagan. Ben oui. La belle Valentina, là, qui est rendue depuis 125 livres, écoute, c'est vrai, elle domine vraiment, vraiment ce poids-là. Avant, elle se battait à 135, mais ça a tout a été trop pesant un peu pour elle. Même à 125, il n'y a pas grosse en forme. OK, oui. Il est très dominant. Écoute, tu fais plein de vie, celui-là est drôle. Elle fait des voix de danse, puis elle fait la danse classique là, de son pays, puis elle va de partout. OK? Elle est du debout, mais c'est sûr qu'elle a amélioré son sol beaucoup, puis elle est très intense, elle est très agressive. Puis ça va nous donner un bon combat, mais je suis pas certain que... Je pense que ça va être une tournée relativement facile pour Valentina. OK. Dans les autres combats qu'il faut suivre, y a-t-il des combats intéressants? Il y a une couple de combats de gros bonhommes, le fun. Là. Il y a Adam Stone Taffa. Donc, ceux qui aiment les taloches avec les gros bonhommes, ils vont être contents. Puis, en plus, on a le gros Derek Lewis. Là. Un autre gros bonhomme de 2,60 qui gagne pas tout le temps, mais qui donne tout le temps des combats spectaculaires. Là. The Black Beast. Okay. Ça va être un autre combat de gros bonhomme qui va être intéressant aussi. Okay. Sinon, pour le reste, je te dirais, c'est plus des gens que l'amateur moyen connaît moins. OK. Hey, dis-moi, le dernier UFC 246, Conor McGregor contre Cowboy Cerrone, mais c'est sûr que j'ai été très déçu mais que Cerrone fasse même pas une ronde. Je trouve ça plate des combats courts de même. Ouais, hein. Cerrone, écoute, c'est un guerrier, là. Mais là, c'est comme il dit, il a reçu un coup sur le nez au début, les coups d'épaule, ça l'a surpris, ça l'a comme mis off un peu. Ouais. C'est un gars c'est un slow starter en plus. Hein. Fait que là, ça l'a comme mis off un peu, puis écoute, il n'y avait pas un 2 de pique qu'il y en avait à lui. On sait que McGregor, quand il sent qu'il peut mettre fin au combat, là, d'habitude, il ne manque pas son coup. OK. Ben, on se reparle dans l'UFC 248. Ben, parfait, Daniel. C'est notre ami Claude Perron.